savais rien du tout. Je savais pas du tout que des tziganes avaient été exterminés pendant la guerre. Du tout. On a fait, il y a eu beaucoup de bouquins, de films sur les juifs, sur. Mais alors les tziganes, on n'en entend jamais parler, quoi. Vraiment, c'est. Je savais pas du tout, hein, j'ai découvert. Ceux qui se sont fait déposséder. Et ceux qui sont partis, qui partent, ceux du voyage, comme on dit. Drôle de famille. Gendarmerie de tout pays. Fusil à l'épaule, claque dans le nez, chacun dans son jardin, bal du samedi soir. On va faire la fête, casser de la caravane. Caravane, caravane qui entre dans le camp. C'est le temps passé, c'est le temps de guerre. Caravane qui entre dans le camp où sont enfermés les juifs, les brigades, les républicains, les autres. Les autres, des autres. Comprendre. Le convoi, toujours avec ses juifs. Et ses enfants de nulle part. Et ses tziganes. Ces espagnols dispersés. Et ses brigadistes pourchassés. Va habiter le nom du camp de concentration de Dachau. Là s'arrête l'histoire des lettres, partie à la recherche du livre. Mais non celle du train, il continue bien plus loin. Il retrouve le Danube, et avec lui son camp majeur, Mauthausen. Une forme d'interrogation politique sur le rapport de force entre non-juifs et juifs, ou est-ce que c'était une forme d'interrogation religieuse ? Mes parents, c'était une réponse politique. Et mes parents, la solution était de combattre les systèmes à l'intérieur, c'est-à-dire les systèmes fascistes polonais, et dirigés par le colonel Piłsudski. Certains ont une drôle d'allure, des tresses, une barbe, le drôle de costard. Ou alors sur les boulevards, bagoudois, chaînes. Un juif clochard, est-ce que ça existe? Je n'en ai jamais vu. Moi, les juifs, je les connais pas du tout. C'est un pays où il y a la guerre? T'as vu les voisins? C'est des juifs. Mystère. Juif mystère, juif lépreux, juif bizarre et mystère. Juif bizarre et lépreux. Radeau à la mer. Radeau de papier. Le livre. Leur terre. J'étais en cellule avec. Je ne sais plus son nom. Mystère. Kibbutz. C'est ça ton pays, Kibbutz? Et alors, à ce moment-là, à qui s'adresse-t-il? Il s'adresse à ces groupes. Donc c'est plus tellement un individu. Hein. Ce sont toute une série de groupes sociaux qui pose un problème au siècle, hein, et un problème de même type, avec la distance, et avec le temps, dire que du même type, qui sont un peu leurs problèmes à eux. Changement, attendant la correspondance. Correspondant, qui a un rapport avec qui il correspond. Correspondre, répondre. Être en rapport de conformité, se rapporter à. Accorder, harmoniser, correspondre à quelqu'un. Quelque chose correspondra à quelque chose. Quand tu arrives à l'aéroport de Bangkok, Don Muang, c'est le nom de l'aéroport, tu as des grands panneaux affichant que si tu es pris en possession d'héroïne, suivant la quantité que tu as, tu es passible d'une peine de tant et tant. Mais des grands panneaux comme ici, tu vois des publicités sur n'importe quoi. Ça fait vraiment partie du décor. Est-ce qu'on avait trouvé l'autre? Moi, c'est assez simple hein, quand même. Bon, après ce que j'ai vécu là-bas, je peux très bien rentrer dans un camp, mes 5 ans là-bas, avoir passé toute la guerre donc dans un camp de concentration, et puis après ces 5 ans, de 39 à 45, sortir donc et aller dans ce train. Et prendre la vie d'un jeune juif qui se retrouve dans ce camp, qui comprend rien, qui se demande qu'est-ce qui se passe, putain, pourquoi je suis là, pour quelle raison, pourquoi on me casse les couilles, pourquoi. Enfin, toutes les persécutions qu'on fait. L'incompréhension, le mec complètement qu'on bazarde là-dedans, il sait pas quoi. Au départ, c'est tout. Quand tu pars en Thaïlande, comment dire, c'est un voyage, par le sens propre du terme, et puis pas que ça, si tu veux, c'est tout. C'est tout un. Comment dire. Le fait de se retrouver à 18 000 bornes de ton pays en l'espace d'une journée, te retrouver dans un pays, tu arrives la nuit ou le jour suivant le moment où tu es parti, te retrouver dans un. Enfin, à l'autre bout du monde, quoi. Ça fait. C'est vrai que c'est. C'est vrai que c'est. Comment dire, pas impressionnant, mais tu le. Là, je trouve pas mes mots. Trente ans, tu en avais? 20, ouais. Mais bon, quand ils m'ont annoncé les 30 ans, je veux dire, tu peux pas. Ça voulait tout dire et ça voulait rien dire. Je veux dire, 30 ans, c'était. Pas réalisé, quoi. Et là, je m'en rends compte. À part quelques petits détails bien précis du style coucher de soleil ou la nuit. La nuit, tu vois, bon, les voitures, les étoiles et tout, parce que bon, on était complètement coupé de tout ça. Mais si tu veux, la journée, tous les petits trucs de la ville, la nuit. Les dehors, tu t'y retrouves comme ça, et en fait, il se passe rien. On va rentrer dans un parking, quoi, et on va faire. On va marcher pendant un moment dans le sous-sol, quoi. Alors c'est, t'as vu, c'est vachement noir. Bon, la journée, il n'y a jamais d'éclairage ici, quoi. Alors la journée, c'est très sombre. Là, ça fait, et la nuit, t'as vu, c'est vraiment, faut chercher son chemin, il faut connaître, quoi. Et puis, faut pas avoir peur, quoi. Il y a des gens qui ne font jamais ça. Alors que bon, il y a pas de danger, on peut pas se faire attaquer. Enfin, moi, ça m'est jamais arrivé. Et quand il pleut, quand il fait froid, moi, je passe par ici. D'ailleurs, même l'été, je passe par ici. J'adore cette ambiance, quoi. C'est un peu comme. Ça me fait penser un peu des fois à notre train, quoi. Tu vois? Un wagon qui immense, quoi. Parce que j'ai l'impression qu'un jour, il faudra qu'on descende en dessous pour pas tomber des bombes. Mais enfin, c'est surtout le fait qu'un juif en Pologne ne pouvait pas. Vivre d'une façon normale, même s'il était, je suppose que mes parents ils n'ont peut-être pas eu le temps, parce que bon, la guerre est arrivée après, ils n'ont peut-être pas eu le temps de me donner trop d'explications, les raisons pour lesquelles ils ont quitté. Mais ce que je peux, le peu que je sais, c'est que la lutte en Pologne pour eux, les deux, être juif, être communiste ou socialiste, c'est quelque chose d'impossible. Et je me souviens que souvent, mes parents, mes oncles, ils disaient, Puis ça annule vachement le temps, quoi, je veux dire. Enfin, ça annule le temps. C'est pas que ça annule le temps, mais tu te rends compte que finalement, bon, à cette époque-là, eux, ce qu'ils vivaient, c'était une guerre. Mais quand même, je veux dire, on a autant de vécu, autant de mal que sûrement tous ces gens-là, tu vois. Autant de désillusions. Et c'est. Et ça, ben, moi je l'avais jamais réalisé, tu vois, jamais. Et ben, même moi, c'est un truc que t'en magazines, tu vois. Je connaissais un peu l'histoire, la guerre, quoi, les camps de concentration, tout ça. Par rapport au temps, eux, ils ont vécu, à un moment donné, ils ont été en camp de concentration. Hein. Avant que la guerre commence, il y avait déjà des camps de concentration. Après, il y a eu la guerre, et... Les gens ont fermé les yeux sur ça, sur ce qu'Hitler était en train de faire. Hein. Les Français, les Italiens, les Allemands, y a en majorité des gens qui fermaient les yeux, qui ne voulaient pas admettre ça, alors ils étaient amnésiques. Ils étaient amnésiques devant l'horreur. Nous, on est amnésiques devant la désillusion d'une société qui nous a bouffé, qui nous a rien donné, alors on a appris à rien lui donner. Tu vois. Enfin, pour moi, c'est ça. Pigola, parmi des camarades, j'avais surtout un camarade, un jeune de mon âge. Alors, comme on était toujours très amis, un sans l'autre, ça n'allait pas. Et alors, on a décidé de partir tous les deux. Et on est parti, voilà, on est arrivé, on a fait les Pyrénées à pied, avec les guides, on est arrivé à Figueras. De Figueras, ils nous ont transportés à Bassette. À Bassette, était en cours de se former, au fur et à mesure qu'ils arrivaient, de former les brigades, c'est-à-dire chaque nationalité, si possible, former son bataillon. Alors, voilà, le bataillon, le premier, le 13 novembre 1936, on a eu le premier baptême de feu au Cerro de Los Angeles, sur le front de Madrid. Un sale pays pour tous, désormais. Un convoi de chemin de fer. Et une seule pensée, la locomotive. Ouais, peut-être ou sûrement le déluge, dont nous essayons d'inventer l'arche probable en ce moment. Oui, mais un seul destin, les rails. Part de la mort et effondrement, nous te promènerons, locomotive. Locomotive. Avec nos deux fers parallèles. Avec nos deux fers parallèles. Tracés à la mesure de ton cou. Et tirant sur cette chaîne double telle, l'oursaillé sur celle de sa bête, te crier de gare en gare. Te crier de gare en gare. Danse, danse, l'univers. Danse, danse, au mal au locomotive. Danse, danse, l'univers. Danse, danse, au mal au locomotive. Autour de toi, le rideau rouge débouche, mais plus rouge encore ton cou. Te donnant l'impression chaque fois que les deux fers vont se rejoindre. Pas peur de l'ente, chant sacré. Toi et nous, rythme de convoi. La pulsation du sang sur la terre. Chaque langage va enfanter une version différente de ce train. Et c'est l'existence de cette version, comme ça, qui vont se trouver comme les facettes d'un même œil au-dessus de cette histoire de train et qui vont en donner les différents aspects. Chemin de fer, accotement, ballast, contre-cœur, contre-rail, coussiné, crémaillère, éclisse, entrevoie, longine, rail, remblai, tire-fond, travers. Ligne de chemin de fer, infrastructure, superstructure, voie, aiguillage, barrière, bifurcation, branchement, embranchement, heurtoir, passage à niveau, pont, rampe, tranchée, signalisation, balisage, bloc système, disque, sémaphore, signalisation. Matériel roulant, locomotive, traction, train, voiture, wagon et aussi de résine, fourgon, funiculaire, lorry, Michelin, tender, tracteur, convoi. La technique du train me diffère totalement. C'est pas vrai du tout, mais tu as fait un truc formidable. Un travail. Je me suis pas creusé, j'ai recopié à partir d'un bouquin. J'ai résumé à partir d'un bouquin. Donc là, tu m'as creusé la tête à partir de la technique du train. Non, écoute, ça c'était déjà évoqué. Vous pouvez très bien mettre la machine en marche arrière en pleine vitesse. D'ailleurs, ça se fait quand il faut faire un freinage d'urgence. C'est ce qu'on appelle renverser la vapeur. Vous prenez ce levier, vous le tirez comme ça, et vous êtes en marche arrière. C'est une manœuvre qu'il faut faire n'importe comment, mais vous pouvez le faire. Et donc, bon, vous feriez ça sur un engin qui a une bonne vitesse, vous passeriez tout. Tout de suite, on a eu un problème, c'est que les trains, on n'était pas très documentés. Donc on s'est rué vers la bibliothèque municipale et on a essayé de trouver des informations sur les trains. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire. On a fait un peu l'historique du train depuis le démarrage. Et puis il y a un deuxième problème, ça peut-être que Thierry en parlera parce que c'est lui qui l'a lu. Puisqu'on est censé conduire des locomotives, voir comment ça marche, je sais pas, problème qu'il y a de charbon, d'eau, etc. Donc, bien sûr. Alors la cloche est utilisée pour la traversée de l'agglomération, pour ne pas utiliser le sifflet qui est beaucoup plus bruyant. Ça part donc un bon coup de bois, on l'allume, Quand le feu de bois est bien pris, on met du charbon, petit à petit. On met du charbon et on fait bouillir l'eau jusqu'à ce que la chaudière soit à la pression voulue. Ce qui veut dire qu'il faut environ 2 heures pour la faire monter à sa pression de régime. Oh, pour faire monter une locomotive, comment on fait? Il y a 36 façons. Tout dépend d'abord si on est professionnel ou pas. Moi, personnellement, je le vois d'une façon assez catastrophique, comme à l'époque. Je crois que je vais tout mettre en l'air, je vais casser ma machine. Machine que j'adore pourtant, par-dessus tout. Et je vais mettre tout ça en l'air. Mais pour l'instant, on en est loin, on en est très loin pour l'instant. Moi, je suis pas d'accord. Pour l'instant, je suis perdu dans... Nous, on veut faire sauter le train, moi je veux pas, évidemment, puisque je suis la locomotive. Faut pas sauter quand même. Des têtes couronnées ont testé en mon nom des fortunes, des archiducs m'ont légué au son de zardas frénétiques, des orchestres saluant les convois, des amoureux à l'accent slave, agents dans les touches, fortunes et châteaux de Moldavie, perdus en un seul trajet. Sous l'œil de croupiers impénétrables, me pousser dans la marche où j'inventais mes propres étoiles. Sur mes tapis verts, on ne jouait qu'au chemin de fer. Les mariages se faisaient en train de luxe, comme dans une image. L'image qui s'enfonce à l'infini, comme dans une image qui s'enfonce à l'infini. Au début, on ne savait pas trop si, où situer bon, les Tziganes, c'est la remontée du Danube. Mais bon, on se situe à la fois dans le train, on débarque dans des camps. Alors... Danube. D comme Danube. A comme Allemagne, N comme n'importe où, U comme 1, B comme bombe, E comme époque. Le Danube coule et va se jeter dans la mer morte, c'est ça, la mer noire. Et il a traversé bon, toutes les révolutions, toutes les guerres, tout ça. C'est une preuve, une image. Danube, désespoir, au fond de tes mémoires, tu rejettes toutes tes souffrances au fond de la mer noire. Si tu pouvais t'exprimer comme tu le voudrais, on pourrait comprendre, dans le fond de tes eaux, tous ces cris de mort qui hantent le bord de tes rives. Là, ici, et encore là, tu donnes la parole à ces morts qui surgissent de tes profondeurs. L'homme, sans cesse, continue à te salir, jusqu'au jour où réapparaîtront de nouveaux cadavres d'usines et de chair humaine. Aujourd'hui, on devrait faire un pèlerinage. 2850 km de chemin de croix jusqu'au cimetière de la mer Noire. Signé Miguel. C'est le premier texte que j'ai écrit. Béatrice, qui est une gitane, donc on a un élément vraiment vrai. Bon, là, il y a des écoles, mais autant de moi, quand j'y étais, elles n'y étaient pas, ces écoles. Il n'y en avait pas, non. Là, la maison qu'il y a, les deux messieurs à côté de la porte, là, c'est les flics. Hein. C'est une petite maison là, que la police y va, quoi, qui surveille le camp. Fusée à l'épaule, claque dans le nez. chacun dans son jardin. Bal du samedi soir. Là, c'est la pièce, le carré. Admettons, hein. Alors là, il y a les hommes qui jouent aux cartes, qui boivent en même temps. Dans ce coin, bon... Non, c'est pas la peine, là, pas de coin. Bon, ouais. Dans ce coin, il y a les femmes qui bavardent entre eux et tout. Bon, et partout, les enfants qui courent. Parce que les enfants, ça va partout. Ils restent pas en groupe, c'est rare. Ça va partout. Et là, on peut essayer de faire déclencher une bagarre d'hommes, mais par rapport à une femme. Comme c'est mieux avec une femme. Parce que si on essaie de faire une bagarre entre hommes, dans la pièce, il va y avoir que les hommes. Tandis que si on y met les femmes, il y aura l'homme et les femmes. Ce sera plus mieux, tu vois. Il y aura tout qui participerait, tu vois. Mais je regrette pas, moi, je trouve que c'est... Je préfère encore le camp que Bagatelle, où je suis. Caravane qui entre dans le camp. Bagatelle, on est obligé d'aller à l'école, on est obligé de se civiliser un peu par rapport aux autres, mais tandis que dans le camp, il n'y a pas d'impôts, il n'y a pas de loi, on ne va pas à l'école, on ne dit pas ce qu'on doit faire, on ne dit pas aller payer les impôts, aller les enfants à l'école. Allez, la scène sociale, elle arrive. Allez, les juges vont placer vos gosses. Il n'y a pas tout ça, quoi. Expérience en tout genre. Détruire pour comprendre. Détruire. Voilà un mot qui concerne les ziganes de la guerre. Il faut détruire. Tu souilles la race. Ma, ta, ça. Notre race. Comme Hitler a dit pour les autres. Lui qui était si petit et noireau, et rêvait d'être si grand et clair. Il y en a toujours un qui se prend pour les autres. Moi, j'ai 54 ans. Et j'avais 8 ans quand la guerre s'est déclarée. Mais je m'en rappelle parce que j'ai été voler des couvertures. Je m'en rappelle. Non, parce que je ne savais même pas que les Ziganes ont été massacrés et tout. Je ne savais rien de ça. Non, vous n'avez qu'à demander chez les Manouches. Il y en a beaucoup qui vous tiendront davantage. Oui, il faudrait mettre oui, chez les vieux Manouches comme ça. Il faudrait attraper les vieux Manouches. Oui, mais c'est pas facile. Hein. Moi, je voulais c'est vrai, quoi. Non, je veux dire, dès le moment où bon, ils ont été persécutés, je sais pas, y a pas que les nazis qui ont persécuté les Ziganes, puisque les Anglais l'ont fait, oui. Les Espagnols l'ont fait aussi, je crois. Ils ont été persécutés un peu partout, quoi. Mais il y a qu'aux Ziganes qu'on leur coupait les oreilles pour les reconnaître, aux Juifs, tout ça aussi. Non, il y avait qu'aux Ziganes. Aux Ziganes, Manouches, Gitans. Ouais, mais c'est-à-dire aux Juifs, tout ça, on leur coupait pas les oreilles, il n'y a rien qu'à eux. Aux nomades, quoi. Bohème. Juste pour les reconnaître, on leur mettait une étoile jaune après. Mais ça, c'est uniquement deux. Note de lecture. Au XVIe siècle, ils furent chassés d'Angleterre. On leur coupa les oreilles pour les reconnaître. S'ils retournaient en terre britannique, ils étaient pendus. Ils furent 250 000 à être exterminés dans les camps nazis. Le temps, par rapport au temps, a fait que je vivais au ralenti. Alourdi par toutes ces choses qui remplissent une journée, et puis une autre, et puis un mois, et puis une vie. Je vivais au ralenti et je ne les ai pas vus partir. Quand j'ai levé les yeux, ils étaient déjà loin. Bagage. Effet, objet que l'on emporte avec soi en déplacement, en voyage, en expédition. Qui est bagage? Figuré, ensemble des connaissances acquises. Et nous, de notre part, on est les Allemands de la Volga. Donc, on a essayé de faire un tableau. Tu vois, Miguel, là, c'est Saratov. Et là, c'est Engels. Là, c'est la Volga, là, qui descend. Et donc là, c'est notre colonie, la rive droite et la rive gauche. Et là, Novosibirsk et Oms, c'est là où on nous a déportés, dans le Kazakhstan. Il y avait un peuple qui regardait la scène. Russe, allemand, il ne savait plus, ou ne voulait plus savoir. Allemand dans la vie, russe à la maison, ou le contraire. Quelle histoire. 1939, guerre, pacte, agression. Les Allemands, ceux d'Allemagne, occupent la Russie des Russes. Allemand de la Volga, s'il se bat, on lui dit « t'es un traître ». S'il ne se bat pas, on le lui dit aussi. Quelle histoire! Ce qui m'a frappé dans leur histoire, c'est l'absurdité. Ils sont les ressortissants du pays de l'absurde. Gare de Minsk, le 15 avril 1945. Chère petite maman, je vais bien et suis toujours soldat dans l'armée. On m'a muté au département de la propagande à cause de mes connaissances en allemand. Je suis chargé, avec un autre camarade, d'un train de rescapés du camp de la mort d'Auschwitz, que nous venons de libérer. Ce que les nazis ont fait ici est pire que tout. Il y a des juifs, des tziganes, des français, des Espagnols qui viennent, eux, de la guerre civile, celle d'avant cette guerre-ci et d'après notre guerre civile à nous. À force de faire des guerres, nous allons devenir tous des personnages de livres d'histoire pour les écoles, si nous restons vivants, si nous mourons aussi, d'ailleurs. Alors moi, je me suis inventé la réponse de la mère de ce soldat. Et je l'ai mise dans un village surveillé, une sorte de camp, puisqu'on m'a dit que personne ne voulait plus d'eux. Décidément, ce camp, je le retrouve partout. Province de Novosibirsk, le 13 mai 1945. Mon cher petit, j'ai bien reçu ta lettre qui m'a fait très plaisir, et ton histoire m'inquiète. Moi, je suis bien malheureuse ici. On nous traite mal. Depuis notre déportation au Kazakhstan, je suis en résidence dans un village surveillé qui est très sale. Il n'y a pas de médecin, pas de nourriture, pas de poils. L'organisation est nulle. Fais bien attention à toi. Peut-être qu'après la guerre, nous retournerons sur notre vraie terre, la Volga. Je prie beaucoup pour toi et t'embrasse très fort. Adieu, ta mère qui t'aime. Wagon 18, wagon 7, wagon 22, c'est l'Espagnol, les Juifs, les Tziganes. Les premiers visés sont ces groupes. Et de nouveau, l'histoire recommence à dire qu'ils vont se trouver, eux, projetés dans la problématique de leur temps. Alors qu'en fait, au départ, ils partaient à la découverte de groupes de la génération très particulière de leur père, c'est-à-dire d'il y a 40 ans. Et que, brusquement, ils font un saut dans l'actualité, mais au niveau social, au niveau le plus élevé, là, vraiment, où se posent des problèmes de civilisation, où se posent les problèmes du siècle, hein, et brusquement, plutôt que de débattre, eux, reflet de ces problèmes, c'est-à-dire leur rapport avec le commissariat de police ou avec la brigade antidrogue, c'est-à-dire que ça devient des rapports au niveau le plus élevé. Nous sommes que trois, déjà nous trois. Nous sommes le peuple du livre tout entier. Dans ce train, la locomotive, la cargaison et les trajets ne peuvent être qu'un alphabet, parti à la recherche d'un livre encore vierge. 22 wagons. 22 lettres qui se lamentent sur les rails. Nous sommes deux. Et bien entendu, nous ne sommes pas d'accord. La joie d'être espagnol. Et pas n'importe laquelle. Pour moi, ce train, c'est l'histoire de la première banque sur roue du monde, qui s'est créée dans la première gare du monde, une banque catalane. Pour lui, c'est un chien. Il sera là au moment voulu, pour dire notre vérité, à lui et à moi, en dehors des rails. Il ne reste pas moins que c'est un train historique. Dans le choix qui va se faire de chacun des personnages, brusquement, il y a non seulement les problèmes de leur temps qui vont s'affronter à travers ce train qui les transporte, qui va en même temps transporter leur parabole, ce qu'ils ont à dire, et transportant leur parabole, hein, ils vont se trouver confrontés en plus non seulement aux réalités de leur temps, mais au langage de leur temps. Notre train qui part d'Auschwitz avait 22 wagons. Et il y a 22 lettres dans l'alphabet hébreu. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est quel type de rapport vous pourriez nous donner entre ces 22 lettres et ces 22 wagons. Parce que c'est un peu la... Nous, on part dans le train. Quand on est dans ce train, on part à la recherche de l'alphabet, à la recherche du livre. Un peu, quel type de rapport vous pourriez pourriez y voir, vous? Alors, effectivement, 22 est un chiffre comme... tout un tas d'autres chiffres dans la mystique juive, qui est un chiffre kabbalistique, donc, qui est chargé de signification et de symboles. Les lettres hébraïques sont également des chiffres. Il y a quatre niveaux d'interprétation d'un texte hébraïque. Et alors, si on fait l'anagramme des quatre mots qui signifient les différents niveaux d'interprétation, pshat, remez, drash, sod, nous obtenons un mot qui signifie pardès, c'est-à-dire paradis. Autrement dit, si un individu a petit à petit, par son travail, par une espèce d'ascèse intellectuelle, réussi à traverser ou à grimper ces différents niveaux, il atteint ce qu'on pourrait appeler dans le langage vulgaire le septième ciel ou le paradis. Moi j'étais parti d'une autre idée, si tu veux, pour faire un personnage. Dans l'alphabet hébraïque, justement, la lettre qui ouvre la Bible, c'est la lettre B, le Bet. Et elle s'écrit comme ça, si tu veux, ce dessin-là. Enfin, je te fais en plus loin. Et alors voilà, le mec qui nous a expliqué sur cette lettre, c'est que d'abord, c'est le pourquoi la lettre B et pas la lettre A, parce que la lettre A c'est Dieu, c'est le 1, l'unique, l'amour c'est Dieu, donc ça peut pas s'adresser aux hommes si tu veux. Alors la lettre B elle est comme ça, alors voilà, il y a un toit en haut, c'est comme un E où il n'y aurait pas la barre au milieu, un E à l'envers, c'est ça qui ouvre la Bible. Hein? Bon, alors il y a le mec dit. Cette lettre, le symbole de cette lettre, ce qu'elle signifie, c'est une maison. Il y a le toit, il y a le mur, il y a le plancher, et il y a la fenêtre. Et comme l'alphabet hébraïque se lit de droite à gauche, c'est la lettre qui ouvre donc la Bible. Et elle s'adresse à l'homme parce que la lettre B, c'est la lettre double. Le chiffre qui lui est associé, si tu veux, c'est le 2. Voilà. Donc elle est double, c'est l'homme. L'homme, il est toujours double pour les juifs. Et alors, donc, elle part sur la création, cette fenêtre. Avant, c'est fermé, c'était le chaos. Voilà le symbole. Alors moi, j'imaginais un personnage qui serait un juif qui se révolte contre ce qu'il vient de vivre et qui écrit la lettre à l'envers. Son point de départ, c'est ça. Il n'ouvre pas sur la création parce que pour lui, le camp, ça ne peut pas être la création. C'est impossible. Alors il ouvre sur le chaos. Il renverse la lettre et là, il part de sa révolte. Bim. Tu vois ? C'était un peu cette idée-là de départ que j'avais. Bon, maintenant, mais j'ai pas eu le temps d'y rebosser, de le creuser. Mais un personnage révolté, quoi. Rentrer dans un personnage comme ça. Parce qu'il y a Noé. Il faut pas oublier qu'il y a Noé qui est cité dans la pièce. Exactement. Voilà. Et que comme je... Voilà, je me... c'est voilà. Exactement. Voilà. Là, c'est des... Ouais. C'est l'histoire de Noé. Ouais. Parce que Noé, à un moment donné, a été retiré de l'histoire. Mmh. Justement. Il a été retiré, il n'appartenait plus à l'histoire. Comme eux, comme tous ces personnages, n'appartiennent plus à l'histoire. Et donc, l'histoire de l'Arche, qui est capitale en tous les cas en ce qui concerne le livre, parce que le truc formidable, c'est qu'en hébreu, le mot « arche », c'est l'Arche de Noé, et le mot « langage », c'est exactement le même. Donc, c'est construire un langage, l'histoire de l'Arche. Et donc là, de ce côté-là, c'est exactement dans la... Wagon 1, les contrôleurs. Wagon 7, les juifs. Wagon 18, les espagnols. Wagon 3, les enfants. Et chaque wagon va faire un voyage différent des autres. Ah, ils attendent que ces wagons deviennent un rêve fabriqué par les enfants de 22 ans du wagon numéro 3 qui aborde toute la cité en survécu. Il y a, disons, sa propre image, exactement comme tous les trains. Le train va avoir sa propre image avec tous les convois de la mort qui arrivent. Lui, il a sa propre image, il a là, c'est le rat empoisonné. Alors, l'idée de poison, c'est ce qui domine toute l'histoire de cet enfant, tout le temps. Et il y a toujours cette idée qu'il est un rat empoisonné et qu'il est lui-même un rat. Wagon 3, les enfants. Alors, je me suis toujours posé la question, pourquoi n'y a-t-il que des personnages finis d'écrire? Pourquoi il n'y aurait pas des personnages restés en cours de route? Ce qui me paraît, d'ailleurs, non pas tellement une tentation d'écriture, hein, mais correspondre exactement à la réalité. C'est-à-dire que tout le monde n'évolue pas exactement de la même façon dans la vie à partir du moment où il naît. Il y en a qui, brusquement, à un moment donné, s'arrêtent au cours de leur existence et puis végètent autour de cet âge-là et puis ne bougent plus, en restent là et puis c'est fini. Alors là, en ce qui concerne la pièce, il m'a paru intéressant d'appliquer dans l'écriture, l'idée d'un personnage qui rejoigne exactement ce qu'il était dans la réalité. Parce que c'est vrai que ces enfants X dans les camps étaient des enfants totalement inaboutis. Enfin, c'est-à-dire que, bon, mais d'ailleurs, le fait d'un môme se trouvant dans un camp, c'est déjà une énormité, quoi. Et ensuite, l'obligation pour presque la plupart de ces enfants d'être les gitons des capots, ça c'était presque inexorable, ou sinon ils se faisaient tuer. C'était la survie. Wagon 18, les Espagnols. Wagon 7, les Juifs. Wagon 12, les Brigadistes. Wagon 22, les Tzigades. Après la guerre, il y a des déportés survivants qui ont fait des bouquins. Alors, il y a des professeurs d'université, des prêtres, des journalistes. Et alors là, je vais vous lire quelques passages, quelques brides de phrases, parce qu'en plus, ils en parlaient très, très peu. Quelques brides de phrases qu'ils ont écrites et qui sont vraiment aberrantes. Alors, une comme ça, les gitanes, ces sales voleuses, lâches parmi les lâches, pleurnicheuses couvertes de vermine. Ou alors encore, un troupeau de bohémiennes repoussantes de saleté, ignorantes voleuses. Ou encore, un grand zigane voleur et menteur, comme tous ceux de sa race, qui n'attendait qu'un signe des SS pour devenir assassin. Ou alors encore un autre professeur qui a écrit, quant aux tziganes, leur disparition totale n'eût affecté dans le camp qu'un petit nombre de philanthropes déterminés. Ça veut dire qu'à l'intérieur du camp, il n'y a qu'un tout petit nombre de gens qui se sont aperçus de la disparition des tziganes. Sinon, tous les autres, c'est passé totalement... Et d'ailleurs, toujours à la lecture d'autres récits, il n'y a pas une ligne sur eux, quoi. Les tziganes, on ne connaît pas. Pourtant, enfin, j'ai lu des chiffres quand même impressionnants. En France, parmi les 60 000 déportés qu'il y a eu, il y en avait 15 000 tziganes. Ça fait une personne sur quatre. Ouais, moi, je voulais dire, ils sont haïs carrément par les mecs, les gens, les juifs, les espagnols, tous les gens d'Auschwitz, quoi, les déportés. Haïs, non, je crois pas. C'est-à-dire que je crois que le regard, quand tu as un regard sur quelque chose, qui, je veux dire, quand on t'a mis dans la tête depuis que t'es né, que c'était pas des êtres humains, que c'est des gens qui sont pas comme toi, tu les vois pas de la même manière, quoi. À la limite, tu les vois même pas, ils sont invisibles. Ils sont pas plus importants que... C'est pas des êtres humains. Donc c'est pas de la haine, ils n'existent pas, quoi. Ils sont inexistants. Quand on est des voleurs, tout ça, bon, je peux pas le nier, c'est vrai. Alors, parce que mes frères, tout ça, ils font ça, quoi. Même moi, je le faisais, bon, mais... Même si je sais que maintenant, si j'aurais eu l'occasion d'un truc, c'est sûr que je me gênerais pas. Bon, on est voleurs. Des fois, c'est vrai qu'on cherche notre merde. Mais comme il dit dans le livre qu'on n'est pas des êtres humains, tout ça, bon, je trouve ça dégueulasse quand même. De mon personnage, qui est une femme d'origine polonaise, son nom Margaret Böber-Neumann. Elle est née en 1901 et à 25 ans, elle rentre au Parti communiste allemand. Donc à partir de là, mon personnage, je veux dire, dans la pièce, je suis peut-être pas communiste, mais je suis quand même son parcours, c'est-à-dire ses allers-retours en train, les camps d'abord en Sibérie, après chez les SS, etc. Et bon, je me suis complètement assimilée à ce personnage. Alors, si vous avez des questions à poser, allez-y. Bon, ça, je comprends pour les SS. Ce que je comprends pas, c'est ce qui s'est passé avant. Avant. Avant, c'est pas des camps nazis. Avant les camps nazis, elle en a fait d'autres. Alors, je pourquoi reprends. Là, elle a été arrêtée par le NKVD en Russie, à Moscou. Pourquoi? Elle a été arrêtée par eux en 38. Pour quelle raison? Mais parce que, je veux dire, d'abord ils ont arrêté son homme, elle n'a pas compris pourquoi. Je veux dire, parce qu'à cette époque-là, en Russie, c'était la vigilance. C'est-à-dire, à la limite, si toi tu dénonçais jamais personne, tu devenais toi-même suspect. On se disait, merde, il a dénoncé personne, c'est louche, tu vois. Donc les gens se protégeaient eux-mêmes en dénonçant les autres. Je veux dire, ton voisin de palier te fait chier parce qu'il fait du bruit, bon, bah claque, tu vas le dénoncer au NKVD. Enfin, je grossis un peu le truc, tu vois. Mais en fait, c'était ça. Mais c'est ça. Non, ça se situe aussi dans le contexte quand Staline a pris le pouvoir, après la mort de Lénine, il y a une opposition de gauche qui s'est formée avec Trotsky, avec Léon Trotsky. Les camps nazis, ils sont plus. Maintenant, les camps en Sibérie, je ne sais pas. C'est en ruine ou alors ils ont carrément démonté. Il y a Auschwitz, il y a un musée dedans. Ouais. Hein, c'est un musée avec. C'est des chambres pour les dégâts. C'était comme c'était quand ils ont libéré. Quoi. Sinon, il n'y a plus de gens dedans, il n'y a plus de gens internés. Ouais. Par contre, en Sibérie, il y a encore des camps. Il y a même des hôpitaux psychiatriques. Oui, mais les camps de concentration, ça n'existe plus dedans. Avec des gens dedans, encore. Si, en Sibérie, actuel, quoi. Ouais. À l'heure actuelle, ça existe encore. Le goulag, ça existe encore, quoi. Je veux dire, il y a encore des gens en 80 qui se permettent d'écrire des bouquins. Et c'est des camps de rééducation, ouais. Ça existe encore. Ça n'a pas le même nom. Peut-être que quand même les conditions sont un peu plus humaines, non. Mais je veux dire, les tortures, elles sont peut-être plus mentales, tu vois. Non, mais ça existe conditions... encore, quoi, quand même. Il y a une chose qui me répugne, mais alors c'est le personnage psychologique. Enfin, là, je dois dire que là, j'ai une espèce d'arrêt, et j'ai envie de crier aux voleurs, à la fraude. Alors ça, le personnage psychologique, je ne peux pas, ça me paraît tellement quelque chose de... je pars du quotidien, mais bon, là, la création des personnages, là, par exemple, comme dans celle du train, s'est faite à partir du langage supposé du groupe sur lequel débattaient ceux qui participent à l'expérience, bon, et que sont nés et que vont se faire les personnages. Nous n'avons pas de wagon. Wagon numéro 12. On est brigadistes internationaux, on ne peut pas échapper à notre destin. Vous êtes libérés, les nazis ont perdu la guerre. Je ne partirai pas. Je ne peux plus monter dans un train. Trop de va-et-vient, sur le même trajet, presque toujours. Fuite d'Espagne, un feuille à sang, pour chasser jusqu'à l'asile soviétique. Moscou, séparation. Helmut Bauer, mon compagnon, mon amour, mon homme, arrêté par nos camarades et mis, on ne sait pourquoi, dans un camp d'on ne sait où. Côté mer blanche, arrestation moi aussi. Départ, moi aussi, les Stolypinski, des wagons à cage pour prisonniers, des camps du nord de la Sibérie. 4 ans de camp et de grand froid aussi. Retour à Moscou, avec 3 fois plus de trains, avec d'autres antifascistes aussi, mais pas Helmut Bauer. Nouveau train, mais vers la Pologne, à Katowice, nous devons aller maintenant. Et la Gestapo, ils nous livrent à la Gestapo. Je ne veux plus du vent glacé de la gare de Brest-Litovsk, d'un côté les SS, de l'autre le NKVD, je ne partirai pas. La guerre n'est pas encore finie. Justement. Il faut partir avant qu'elle nous rattrape. Et pour refaire en sens inverse encore le même trajet? Non, pour retrouver le Mout, il est resté là-bas. Brest-Litovsk est pour moi une ville magnifique. C'est mes meilleures années de ma jeunesse. Mais je l'aimais un peu en dehors de la Pologne. Wagon 18, les Espagnols. Wagon 7, les Juifs. Wagon 12, les Brigadistes. Wagon 22, les Tsigans. C'est aux survivants des expérimentations médicales que nous nous adressons ce soir. Avec ou sans règle ? Note de lecture. Les SS nazis les assimilent plus ou moins aux juifs et les déclarent indésirables. À exterminer. Seule faveur accordée pour sauver leur vie, l'ablation totale du sexe. Rafle, déportation, Auschwitz. Les familles tziganes en camp de concentration sont les seules à ne pas être séparées. Certaines même ont franchi en caravane, avec femmes, enfants et instruments de musique, le grand portail d'entrée du camp. Les tziganes ont servi en priorité aux expériences médicales du docteur Mengele sur les jumeaux et le mélange des races. Il y a eu des médecins juifs qui ont participé aux expériences sur les tziganes. et s'y sont médicalement passionnés. Il y a eu des tziganes qui sont devenus capots. Avec ou sans reine ? Mais sans, Marguerite Danube, dite reine des tziganes, s'était enfuie bien avant. Peut-être cette fois devions-nous éviter son retour. Mais qui est-elle ? Le savons-nous ? Ignoble, cruelle, insaisissable, haineuse, meurtrière, dominatrice, infâme, reine autoproclamée. Elle est devenue capot de l'infirmerie, c'est tout dire. Cette reine me trouble. Sa dureté peut-être, une agressivité qui n'existe pas en moi. Elle a été torturée en leur Wagon 18, les Espagnols. Wagon 7, les Juifs. Wagon 12, les Brigadistes. Wagon 22, les Tzigas. Wagon 22, les Tzigas. est assuré par des rails qui doivent se maintenir à écartement constant, avoir des caractéristiques de nivellement et de tracé adaptés aux vitesses élevées, transmettre les charges des roues au sol naturel sans déformation sensible de ce dernier. À cet effet, les rails sont reliés entre eux par les traverses qui reportent les charges à la plateforme par l'intermédiaire d'une couche de matériaux pierreux, le ballast. Les coups d'échappement rythment le pouls d'un animal gigantesque, moi, dont il mesure la puissance. Plus la vapeur est admise dans le cylindre, afin d'obtenir de la locomotive un effet de traction élevé, plus est intense l'activation de la combustion dans le foyer sur l'échappement de cette vapeur par la cheminée. Seul langage là-dessus, qui est peut-être le langage le plus fou, qui surnage à tout, c'est celui du mécanicien et de la locomotive, qui est celui de la technique. Et à ce moment-là, c'est peut-être, vu la langue de la pièce, le langage le plus dément qui soit, et c'est le seul à continuer, alors que tous les autres, hein, les autres langages s'abattent, hein, tout au long de cette marche sur les rails. ACR, Atelier de création radiophonique. Le principe écriture, Armand Gatti. Les arches de Noé, deuxième temps, les lexiques. Par Hélène Châtelain. Sabine Audouin, Julien Bassouls, Miguel Canon, Thierry Cazel, Renaud Cousin de Montvézin, Béatrice Dominguez, Françoise Gepfer, Lisiane Laboué, Hélène Lafitte, Claude Ménadi, Jean-Serge Mola, Mohamed Ouladi, Pascal Pommier, Éric Vincelot, alias Cyril, Nadia Rabéi, Patrick Vlaminck, Félix Moussier, Daniel Souk, responsable du Crafi. Voix,